précédent qui vient France Gall, celui de Sardou Michel. Comme une étoile filante, l'aventure qui l'étante. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres, avoir un pied dans le futur. Vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment. Mais les faces des villes n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles, et l'ennui de vivre, sont collés sur les murs, mais rien n'est vraiment sûr, et l'avenir est fragile. Pour les princes de nuit, des idées bizarres, vivre au rythme des guitares, comme les maîtresses andalouses, qu'on leur élève des statues, qu'on les affiche dans les rues. Mais au matin d'un nouveau jour, qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux culs et qu'on les oublie pour toujours, puisque rien ne dure vraiment. Mais les princes des villes n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et l'ennui de finir, sont collés sur les murs, mais rien n'est vraiment sûr, et l'avenir fragile. Pour les princes de nuit, des idées bizarres. un enfant de toi. Oh, sans être marié, un petit bébé, dis si j'en faisais un, ça étonnerait bien les copains. Moi l'idiot, le dernier des hommes, l'éternel absent, le moins que personne. J'aurai sur mon cœur quelqu'un de moins fort que j'endormirai avec mes chansons. Me grandirait un enfant de moi, qui ressemblera un peu à mon père, à mes bons côtés, à en faire pleurer les copains. Comme un fou, je l'emporterai, je l'élèverai tout seul comme un lion, et je lui expliquerai la tâche originelle et nous en rirons dans le même lit. Comme un dieu oublié du ciel, je l'admirerai. Comme un homme devant un géant, moi pour cet enfant, je me grandirai. Un enfant de toi, oh, sans être marié, un petit bébé, dis si tu m'en fais un, si tu m'en donnes un, tu pourras retourner avec tes copains. Voici donc du country, donc deux titres. Avec tout simplement Alan Jackson. First I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. Something is wrong, alright, I think of you all night. Can't sleep till morning light, it must be love. Seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. Be love. I fall like a sparrow and fly like a dove.

Salut, c'est Chris Adam. Retrouve-moi sur Radio Arc-en-Ciel. Allume la radio, monte le son à fond. T'as qu'une putain d'envie, c'est qu'on te laisse. Comme une pierre qui roule, satisfaction. Tu rejoins tes potes avec ta nouvelle gonzesse, sans aucune modération. Et si comme moi, t'es prêt et t'es motivé, prépare-toi à chanter et sauter. Prépare-toi, car la nuit va être longue. La nuit va être chaude. Va être chaude. Alors lâche-toi. Lâche-toi. Lâche-toi. Lâche-toi. Cette soirée pour lâcher prise, déconnecter du système. Le lendemain, t'as même pris congé. Aucune limite, on se lâche à l'extrême. Pas de règles, on s'éclate entre amis. On danse, on chante, on délire dans la foule. C'est excitant de flatter avec la télé. Tu danses, tu chantes, mais tu m'assures. J'aime ça. Dis-moi, tu aimes ça? Oh, tu aimes ça? Hey, j'aime ça, t'aimes ça. Alors lève les bras et lâche-toi. Allez, lâche-toi! Lâche-toi! Lâche-toi! Lâche-toi! Lâche-toi! Lâche-toi! La chanson de l'Élise et puis juste après Céline Dion. Pourquoi est-ce que j'ai si peur dans le noir? Pourquoi est-ce que je t'ai qu'ai-je à redouter? Je veux changer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me même avec lui, ma vie est transformée.

si bien, je prends la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'en arme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant de vous. Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'enferme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Et que tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'enferme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Et que tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Un jour de mai, je trottinais sans me paresser à pied. Quand surgit dans l'allée centrale un garçon beau comme Hannibal. À cheval, à ce moment-là, d'une 30 chevaux, un monsieur tira son chapeau. Oh oh! Et je pensais devant leur grande allure, comment finira cette aventure? À pied, à cheval ou en voiture? Je ne suis pas une sainte mitouche. Tous les deux étaient charmants. Et me jugeant peu farouche, s'approchèrent en souriant. Quand descendu de son coursier, j'eus devant moi le cavalier. À pied, il me tourna un madrigal et voulut m'enlever, c'est fatal. À cheval, l'autre monsieur me proposa la Côte d'Azur, hein, la Riviera, non? Oui. Je me voyais telle une gravure, portant mes perles et mes fourrures, à pied, à cheval et en voiture, ainsi que toutes les femmes, voulant changer condition. Je bâtissais mon programme, bijoux, villa, vison. Mes rêves se sont écroulés lorsqu'un gros monsieur qui s'amenait à pied, apostrophant mon Hannibal, lui dit sur un ton sépulcral: allez, allez, à cheval. Je paye pas mon valet pour flirter, ni mon chauffeur pour s'amuser. L'auto se rangea contre la bordure, mon cavalier prit sa monture. Adieu, visons chevaux voitures. Mais au lieu de philosopher, je me suis remise à trotter. À pied, pensant après tout, y a pas de mal, je suis toujours sur la morale. Bien sûr, à cheval. bien qu'il s'en soit fallu d'un rien pour que je fasse partie du gratin. Oh, écoutez, messieurs, je vous en prie, tiens, tiens. Vers mon Léon, à toute allure, je pars et zut pour l'aventure, à pied. Voilà, avec Ngurdi, voici donc deux titres différents de Nat Alia, et puis suivi juste après, ce sera Myrtille. Cette vieille valise qui vit près de ma porte, égratignée de toutes nos aventures, avec ses étiquettes des pays qu'on transporte, dessinant le parcours de notre histoire. Chaque nuit dans mon insomnie sauvage, c'est comme si je l'entendais chuchoter, comme si elle me parlait avec des mots devenus sourds et mentes sans fusil. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Rien à déclarer, mais rien pour m'alourdir, comme cette vieille valise remplie de souvenirs. Tous les trains, tous les bateaux, tu as suivi les routes où j'ai marché, puisque tu vois la couleur de mes nuages et mes photos guéries dans mes bagages. Je garderai tous ces morceaux de nous que tu as laissés. C'est un peu partout. réveillé, tout sommeillant, dormi entre tes cils, immense pourri. Par tes yeux clairs, j'ai vu tes inconscients, là où j'avais décidé entre mes ailes. Et même si tu vis dans d'autres vies que moi, si chaque nuit nous éloigne à sa part, même si j'ai peur de sombre qui s'avance dans cette chambre qui part. Comme un matin d'enfance, un jour on se retrouvera pour une autre danse. Thank you. d'accordéon. T'as déjà fait ton choix. Et Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà un petit coup, Florian, et voici quelques morceaux portugais. Cantando cantigas sem fim, como era feliz, queria. avant-tard en passant. Voilà de nouveaux sourires. C'est la famille en miroir. Vivre le présent ainsi. Liberté. je vous laisse avec Ophélie Morival, et puis donc Ophélie Morival avec son titre Pensée Sauvage, et puis elle sera le 31 décembre au concert, donc à côté de Nantes, à Léger, tout simplement pour un concert. Voici donc un de ses titres. Vois-tu approcher ces pensées qui viennent pour nous apprivoiser, qu'elles soient flétries ou bien jolies? Elles sont venues s'enraciner dans le terreau de nos esprits. Elles s'imposent et se multiplient. Elles envahissent toute ma vie. Idées, passages, pensées sauvages, elles poussent la nuit, puis nous surprennent. Idées, passages, pensées sauvages, ni pensées sauvages, elles veulent grandir en liberté. Ce sont des indisciplinés, des réflexions inopinées, un peu rêveuses, pas trop dociles, ne cherchent pas à les dompter. Tes efforts seraient inutiles. Leur doctrine te semble futile, elle reste pourtant indélébile. Idées, passages, pensées sauvages, elles poussent la nuit, puis nous surprennent. Idées, passages, pensées sauvages, ni encerclées, ni piétinées. Idées, passages, pensées sauvages, elles veulent grandir en liberté. Passage, pensée sauvage, elles poussent la nuit, puis nous surprennent. Idées, passage, pensée sauvage, ni encercler, ni piétiner. Idées, passage, pensée sauvage, elles veulent grandir en liberté. En liberté. Bonjour, c'est Violette Chiara sur Radio Arc-en-Ciel. m'amuse à te chercher, un vide immense vient m'aspirer. Sommerkleid. J'effacerai mes larmes. des chagrins qui ne prennent pas encore fin et des cauchemars qui me hantent dans mes nuits blanches. Mère, quand je suis dans tes bras, j'oublie tout ça. Quand tu me serres contre toi, oui, tout me va. Le monde pourrait s'arrêter, tant mieux, je suis en paix. Quand je suis dans tes bras, j'oublie tout ça. Des angoisses, des détresses, des sanglots que je déteste. Par mes faiblesses, des images que je ressasse qui ne sont pas à leur place. Mais quand je suis dans tes bras, j'oublie tout ça. Quand tu me serres comme ça, oui, tout me va. Le monde pourrait s'arrêter, tant mieux, je suis en me. Voici donc un petit bonjour à Muriel Denis. Voici deux titres différents elle aussi. Le premier, c'est La guerre des riches, et puis suivi de Le rythme de Liège. Pays, notre langue, blanche de notre voisine, la France. Je peux faire dans mon cœur aucune trêve, rien ne me fera oublier la lumière quand tu es là, pour maintenant, pour après, dans chacun de mes pas, dans chacun tu es là, comme un refrain qui revient chaque fois, dans chacun de mes pas, dans chacun tu es là, comme un refrain qui revient chaque fois. Même à l'autre bout du monde, je marche dans ton monde, qu'importe le jour et l'endroit. Même à l'autre bout du monde, je marche dans ton monde, qu'importe le trajet, je te retrouverai. Impossible comme projet, ils ont tous parié, mais moi je ne crois pas. Et si ça paraît fou, la folie me gardera jusqu'au bout. Des milliers de raisons pour laisser à l'abandon l'amour à l'horizon, jamais la bonne saison. Des milliers de raisons pour laisser à l'abandon l'amour à l'horizon, jamais la bonne saison. Même à l'autre bout du monde, je marche dans ton ombre, qu'importe le jour et l'endroit. Même à l'autre bout du monde, je marche dans ton ombre, qu'importe le trajet, je te retrouverai. Je te retrouverai.

Donc, le titre de la chanson s'appelle Flamenca et c'est chanté par Lorraine Bach. Suivi tout simplement de Jenna Well. Je m'étonne d'être aussi sage. En photo, mais pas en pension. J'ai des fourmis dans les bagages. Des gants de boxe et mes questions. Au pays où nous sommes des pions. Avoir des doigts, je pilote ma prière, ma révolte, ma colère. C'est en claquant du pied, pas en levant le doigt, que se fait écouter la flamme. À traverser ma vie sur des coups, sans courage dans les plus beaux combats, j'ai senti mes rêves les plus fous s'évanouir dans un delta. Je pilote ma prière, ma révolte, ma colère. De promesses non tenues, en tendresse à trahir, sur la grande avenue, mais l'avenir. De promesses non tenues, en tendresse à trahir, sur la grande avenue de l'avenir. Pilote ma prière, ma révolte, ma colère. C'est en claquant du pied, pas en levant le doigt, que se fait écouter la flamme. C'est en claquant du pied, pas en levant le doigt, que se fait écouter la flamme. You got to understand. For every step and any walk,

voici donc, il s'appelle Régis Farchaud et Sydney Blues. Les jours de pluie, quand vient le spleen, tu me souris et je devine. Dans les montagnes, comme un écho, comme une flamme en doux tempo, des orages fous battant la campagne, mais un vent si doux sur les beaux rivages, le soleil danse, les fruits sont mûrs, c'est une transe, un murmure. La vie est belle dans nos musiques, les ritournelles, c'est magnifique. Blues, des gens heureux sur les pelouses, couchés par deux sur les pelouses, couchés par deux. L'air devient chaud, presque enivrant. Les oiseaux entonnent leur chant. Les filles sont belles, vraiment superbes. Dans leur dentelle, dormant sur l'herbe. Et quand il pleut, je saute dans les flaques. Mes rêves deviennent bleus, le temps prend des claques. Et le monde. La joie grisée de mon geste roi. La vie est belle, la vie est belle dans nos musiques, les ritournelles, les ritournelles, c'est magnifique. Moi j'ai le blues, moi j'ai le blues, des gens heureux sur les pelouses. Pelouse. Au fond des yeux, quand tu souris, un rêve bleu comme paradis. Alors le soir, je suis un bluesman, le cœur plein d'espoir, fumeur de Havane. Je rêve en bleu les douces heures, les jours heureux dans nos cœurs. Alors le soir, je suis un bluesman, le cœur plein d'espoir, fumeur de Havane. Je rêve en bleu les douces heures, les jours heureux dans nos cœurs. Tu me plais, tu le sais, tu me plais, tu es dans le Où nos deux cœurs se sont emmêlés, pleurer et lutter de pouvoir conjuguer aimer. Vivre dans cette confusion où nos deux cœurs dépassent toute raison. Envie de l'évasion dans tes bras. Et se regarder en souvenir des draps froissés, de l'amour à l'amitié, c'est comme un verre brisé. Ne plus tout se dire et ne plus vouloir interdire ce qui nous fait monter en désir. Juste envie. On n'a plus de sens. Et faire battre l'amour en nuance. Et l'amour est sans défense. Que restera-t-il de nous? De nos regards les plus flous. Qui le conduisent à nos simples interdits. Que restera-t-il? Fatal. Que reste-t-il de notre amour? Amour en amical. C'était fatal. De cette nuit sentimentale, une amitié normale. Où nos deux cœurs s'emballent au-delà de toute morale. Que reste-t-il de nous? De nos regards les plus flous qui nous conduisent à nos simples interdits. Que reste-t-il de nous? De nos désirs les plus fous qui détruisent ce Voici donc Isa, suivi de Zolito et puis Chris. Avec le titre Que le vent. Sur la fin de notre liaison, si ton silence en est la raison, qu'il en est au moins de moi. Tous les mots de ces témoins. Mais j'écoute cette musique ce soir, qui me raconte déjà notre histoire. Seulement à ma façon, je t'en dirai ma vision. Je m'en fous, je veux être kidnappé. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton bouche que je veux. Ton passe à balle, je fais le travail. Ton passe à balle, il va me tuer. Ce soir, ton jarre, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jarre, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jarre, vas-y sur le bail. Toma.

Je m'évade. amour éternel, je ferai de toi ma reine. J'affronterai vents et marées pour retrouver mon soleil. J'ai envie d'y croire, seul souhait de revoir. Descendu du ciel, venu pour t'aimer. Avec toi je me vois grandir. L'homme sur qui tu pourras compter. Oh, je ferai tout pour te séduire. Plusieurs années sont passées, mes sentiments ont changé. Besoin d'être à tes côtés et ne plus jamais t'oublier. Plusieurs années sont passées, depuis nos années lissées. Notre destin est lié, notre histoire ne s'est jamais terminée. Pardon pour toutes ces fois où je n'étais pas là. Oh Lily, pardon, je ferai tout, oh, oh, pour reconstruire notre avenir. Rien ne mettre à genoux. Oh, oh, oh, oh, oh. Je ne veux que plusieurs années sont passées, mes sentiments ont changé. Besoin d'être à tes côtés et ne plus jamais t'oublier. Plusieurs années sont passées, oh, depuis nos années lycées. Oh, notre destin est lié, notre histoire. Elle est un peu les je la veux pour la vie. Elle est ma femme à l'infini. Mon seul été promis. Elle s'appelle Lily, je la veux pour la vie. On s'est tous fait compris. Oh Lily, oh ma Lily. Je ferai tout pour elle. J'avancerai avec elle. Se termine, donc on va se retrouver prochainement, donc aussi vendredi entre 14h et 17h avec l'émission Souvenir. Voilà, donc je vous dis à vous toutes et à vous toutes.